Le maréchal Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République Populaire Démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée Populaire de Corée, a visité la fabrique de cuir synthétique de Pyongyang avec le Premier ministre Park Bong-joon et des cadres responsables du Comité central du Parti. Admirant le panorama de la fabrique, il a dit que l'usine est vraiment réaménagée à merveille de façon propre et imposante, et que rien qu'à voir l'apparence, on peut bien savoir l'esprit des cadres et du personnel décidé à appliquer à tout prix, sans aucune déviation, la recommandation du général Kim Jong-il sur la modernisation donnée lors de sa visite à la dernière époque de sa vie. Le maréchal Kim Jong-un s'est tout d'abord arrêté devant la stèle à la direction sur place des grands hommes sans égal Paek To-san, avant de faire le tour de la salle d'éducation aux faits révolutionnaires et de la salle d'historique nouvellement construite. Voyant attentivement les photos du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il en tournée d'inspection de la fabrique de cuir synthétique de Pyongyang et autres données précieuses, il a affirmé que cette usine est devenue le trésor du pays dans l'affection particulière des grands leaders qui fait un grand apport à l'amélioration de la vie de la population. Appréciant les photos du président et du général exposées respectueusement aux endroits bien éclairés, il a recommandé de procéder minutieusement à l'éducation dans la salle d'éducation selon les faits révolutionnaires, de sorte que les ouvriers vivent et travaillent avec la grande fierté et la dignité de travailler dans l'usine à laquelle le président et le général s'étaient intéressés en profondeur. Le maréchal a fait le tour de divers endroits de l'usine, notamment les procédés de production de canevas pour non tisser, de cuir synthétique à sec, de cuir synthétique humide, de sacs et la salle de vulgarisation des sciences et techniques pour s'informer des détails de la production et de la gestion. Il a complimenté les cadres et le personnel de l'usine pour avoir remporté beaucoup de succès dans la consolidation des assises matérielles et techniques de l'usine préparées en personne par le président et le général. Et de continuer. Surtout, on entretient soigneusement, comme la prunelle de ses yeux, les installations de production de canevas pour non tisser et de cuir synthétique humide moderne, empreintes de l'affection ardente et des bienfaits du général, et on a modernisé aussi les anciens équipements pour les utiliser efficacement. Les cadres et le personnel de l'usine creusent la tête pour fabriquer du cuir synthétique non moins meilleur que du cuir naturel, vu les caractères physiques comme la traction et la résistance à la flexibilité et le surfaçage, et s'efforcent de leur mieux pour fabriquer les sacs variés recherchés parmi la population. Estimant important la mission et le rôle de la fabrique de cuir synthétique de Pyongyang, le maréchal a présenté les tâches de valeur de guide dans la gestion de l'usine, comme augmentation sensible de la production et multiplication au maximum du taux de nationalisation des matières premières et d'autres matériels, adoption active des techniques avancées pour fabriquer beaucoup plus de cuir synthétique multicolore et varié au niveau mondial, hausse du niveau du système de production intégrale de la production et de la gestion, et continuation dynamique de l'étude pour l'automatisation et la robotisation des procédés de production, entretien efficace de la salle de vulgarisation des sciences et techniques, et effort dévoué pour l'amélioration des conditions de travail et de vie et de l'intendance pour le personnel. Il a fait remarquer la nécessité de normaliser la production et d'approvisionner en matières premières et autres matériels pour accroître sans cesse la quantité de production, étant donné que la fabrique de cuir synthétique de Pyongyang est transformée en usine de grande capacité, susceptible de satisfaire suffisamment les besoins de tout le pays en cuir synthétique avant de prendre les mesures bienveillantes nécessaires. Le maréchal a dit qu'il a visité la fabrique avec joie et que, bien qu'il soit joyeux à l'usine modernisée, il a le cœur gros parce qu'il est navré de ne pas la présenter à notre leader et à notre général. Le maréchal Kim Jong-un a montré sa certitude que les cadres et le personnel de la fabrique de cuir synthétique de Pyongyang fabriqueront beaucoup plus de cuir synthétique excellent pour transmettre à jamais l'affection légendaire du président et du général pour le peuple empreinte dans l'usine avant de se faire photographier en souvenir avec eux.